chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. De CrossFit en fin de semaine à Saint-Félicien en même temps que les régates. Et question de savoir comment ça s'est passé. Bon, on parle avec le responsable Martin Germain. Bonjour Martin. Oui, ça va bien. Martin, d'abord, est-ce que vous profitez des régates pour la faire en même temps ou c'est tout simplement un add-on? C'est les régates premièrement qui ont changé okay. Le date. Qui est de nous, ça fait 5 ans qu'on l'a fait à ce moment-là. Les régates en modifiant leur date et ils devenaient dans notre fin de semaine, mais on trouvait ça quand même bien parce que, écoute, il y a bien des choses qu'on n'avait pas besoin de faire. Les routes sont déjà barrées. On profite de l'achalandage des régates, etc. C'est bon pour nous aussi. C'est donc, si je comprends bien, c'est deux organisations complètement différentes. Il n'y a aucun rapport, mais finalement, ça a bien fait que ça tombe en même temps. Ben oui, c'est ça. C'est que on s'entend qu'on normalement on passe pas 8 heures à regarder des régates, mais on passe pas 8 heures non plus d'une journée à regarder ouais. Des régates. Donc on pense que c'est complémentaire. Les gens se déplacent, les gens prennent les cédules, fait qu'ils viennent au final, ils viennent voir les personnes qui connaissent au CrossFit et vice versa. Ok. Est-ce que ça a été quand même positif dans l'ensemble? C'est un pari pour les régates. Tu sais que j'ai parlé avec Régent Côté. Régent était très très content le fait que c'était à Saint-Jean-Baptiste. Vous autres, ça a-tu paru au niveau de l'assistance? Ah, nous autres apparaît aussi. On parle aussi d'un beau petit congé le vendredi là, pour s'installer en partant. Après ça, c'est le fun pour les compétiteurs qui descendent de Québec, Montréal, Trois-Rivières, qui arrivent ici, qui ont des feux d'artifice ce soir, qui a un show, que les rues sont barrées, là, le monde sort de la partie, fait beau. Fait que oui, c'est okay. Très bon. Est-ce qu'il y avait il y avait 130 participants, est-ce que c'était un record tout d'abord? Non, on est. Ça fait 3 ans qu'on a ce nombre de participants-là. Okay. On est quand même complet. On a même une restriction de parce qu'on a une cédule à faire. Et cette année, on pouvait pas prendre plus que 30 équipes parce que sur 2 jours, c'était comme ça. Peut-être dans les années futures, on pourrait peut-être regarder là, pour commencer le vendredi soir. Fait qu'on pourrait ouvrir d'autres plages horaires, là, mais on est complet. OK. Puis, ça a-tu été. Dans l'ensemble, est-ce que les athlètes d'ici ont bien fait? Ouais, ben il y a mon équipe à moi qui a performé okay. En finale. On était un peu une équipe Cendrillon, là, une équipe qui avait formé avec des gens du gym ici. On a bien performé, on a fait des bons tests, ça nous a permis de se rendre en finale. On a fait 11e. On a été la meilleure équipe aussi. Sauf que le calibre était très fort. Là. C'était provincial. C'était quand même difficile là, de se rendre là, dans les. Les bourses étaient intéressantes. Est-ce que ça a été difficile d'inscrire ouais, ben, de trouver des athlètes d'ici, non? Ici, on compte avec beaucoup de commanditaires. Okay. Pas de problème. On avait 3 c'est bon. De bourse à se partager. Ouais, avec les 6 premières équipes. Quand même très bon, là. Toutes les inscriptions des athlètes sont quasiment toutes premières bourses. OK. Donc, dans l'ensemble, est-ce que le CrossFit à Saint-Félicien, parce que je sais qu'à Dolbeau-Mistassini, c'est quand même, ça gagne de plus en plus en popularité. Est-ce qu'à Saint-Félicien, c'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Le CrossFit, c'est les cours de groupe en okay. Temps, bon. On parle de CrossFit, on parle de bootcamp, on parle de cours que les gens aiment s'identifier et aiment aller dans un cours. Ils ne seront pas seuls à s'entraîner, ils ne seront pas seuls à donner des efforts. Ils vont savoir qu'il y a tout le temps quelqu'un qui les attend au gym. Là. C'est plus ça là, qui est en grosse expansion. Là. Surtout à Saint-Vilchien, nous, on a notre partie CrossFit au gym, mais avec Mélanie, on a notre partie bootcamp bodyfit qui est très, très bonne là, pour l'entraînement. Des entraînements d'une heure sans arrêt. Là, pour OK. Donc, ouais. Si je comprends bien, ça a été un grand succès. Est-ce que les régates ont été confirmées pour au moins 3 ans la Saint-Jean-Baptiste? Donc, j'imagine que vous autres aussi. Mais est-ce qu'il y a moyen d'organiser ça en même temps pour les années futures? J'imagine que oui. Là, en se parlant, on se comprend. Bon, oui, ça, il n'y a pas de problème. Ça, nous, moi, je connais bien. Ben, j'ai été directeur des régates, moi, pendant 5 ans. D'ailleurs, la première compétition qu'on avait faite, c'était pour justement mettre des activités au centre-ville aux régates parce qu'on trouvait que juste les régates pendant une fin de semaine, c'était pas assez là, au niveau des activités. Fait que dans les premières années, le CrossFit, c'était pour ça. Puis là, on est comme revenu à la base, on est revenu à ça aussi. On trouve que c'est vraiment complémentaire là, pour pour les spectateurs et tout ça. Fait que non, ça va sûrement... OK. Prochaine compétition, c'est quand? Prochaine compétition devrait être à Jonquière. C'est le CrossFit 23-42 Jonquière qui organise ça avec Promotion Saguenay. Ça devrait être au mois de septembre, début septembre. Les dates vont sortir bientôt. Ça va passer sur notre site de la compétition de Saint-Vicien là, pour promouvoir la prochaine épreuve. Ben, Martin Germain, gros, gros merci. On s'en parle sûrement dès que tu auras du nouveau. Ben, le responsable des CrossFit à Saint-Vicien de la compétition, Martin Germain.